Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La vision du prince Louis Rwagasore devrait inspirer les autorités burundaises actuelles. Son discours après la victoire de son parti est très réconciliateur selon l'abbé Félix Foupi et renferme aussi son projet de société dans tous les domaines de la vie nationale, comme le rappelle Tassian Sibomana, homme politique et militant du parti UPRONA. Vous les entendrez tour à tour. Aujourd'hui, il y a eu commémoration du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis et Rwagasore. La Confédération des syndicats du Burundi, COSIBO, suggère au gouvernement de fixer un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti par jour. Le président de la COSIBO réagit à l'initiative prise par l'administrateur communal de Nyanzalak, qui a déterminé en date du 9 de ce mois les rémunérations pour les journaliers. L'exploitation des terres mise en commun par certains agriculteurs de la commune Matongo de la province de Kayanza a permis d'augmenter la production. Vous entendrez leur témoignage dans le reportage de notre confrère Jean-Marie Mayong. Après la victoire du parti UPRONA en 1961, le prince Louis Rwagasore a prononcé un discours réconciliant ceux qui venaient de gagner les élections et ceux qui venaient de les perdre. Le héros national de l'indépendance n'a pas oublié de préciser que son gouvernement allait mettre en avant l'unité nationale et combattre avec la dernière énergie, la délinquance et le détournement des deniers publics. Suivez-les dans cet extrait du discours qu'il a prononcé après la victoire de l'UPRONA. Dans toute compétition, fut-elle politique, il y a un gagnant et un perdant. Et l'UPRONA, de par votre libre volonté, est sorti vainqueur de l'élection législative et formera demain le premier gouvernement du Burundi autonome. Vainqueurs et perdants sont tous des Burundis, membres de la même famille nationale, enfants d'un même moine. Le Burundi a besoin de tous, à quelques partis politiques qu'ils appartiennent. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, la victoire électorale d'aujourd'hui n'est pas celle d'un parti, mais le triomphe de l'ordre, de la discipline, de la paix, de la tranquillité publique. Car sans autorité forte, aucun pays ne connaît l'ordre, la paix, la tranquillité. Sans autorité forte, point de progrès. C'est aussi le triomphe de la démocratie telle que le peuple burundais la comprend et la veut, c'est-à-dire la véritable justice sociale, plutôt que les formes extérieures d'une démocratisation des surfaces. Les irresponsables, quels qu'ils soient, et j'exhorte surtout les partisans et amis de l'UPRONA à se montrer digne de la victoire du parti. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre loyalement et colonialement la main aux adversaires d'hier, et non étaler de l'orgueil et de l'insolence. Le comité national de l'UPRONA sera sans pitié pour ceux de ses partisans qui ne respectent pas ce mot d'ordre impératif de courtoisie, de tolérance et de respect d'autrui, car le parti ne tolérera pas que le prestige, l'honneur et l'avenir de la patrie soient compromis par des paroles ou des gestes irréfléchis de quelques exercices. La campagne électorale est terminée. Le passé doit être oublié et il ne faut plus penser qu'à l'avenir qui est prometteur si nous l'avons et si nous agissons en conséquence. Par conséquent, les hommes qui se permettront de décourager ou importuner les étrangers ou les adversaires politiques sous le prétexte de la victoire du parti nationaliste seront considérés comme les ennemis de la patrie et seront punis de manière exemplaire. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable. Le prince Louis Rwagasore. Les hautes autorités du pays doivent suivre la voie tracée par le prince Louis Rwagasore, héros national de l'indépendance du Burundi, et mettre en application son projet de société et aller même au-delà. C'est l'appel du curé de la paroisse cathédrale, Regina Mundi, qui a officié ce lundi la messe commémorative du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Il a en outre indiqué que pour y parvenir, ceux qui sont concernés par cet appel doivent se conformer à la parole de Dieu. Suivez l'abbé Félix Foupi dans cette traduction française d'Évariste Ndikolanyana. mukuzirikana twibuka umuganwa Rudoviko bwa Gasore dushima ibyiza yakoze imigambi myiza yarafitiye ubu Burundi akomemora le 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Gasore on se souvient de ses réalisations et de son projet de société aujourd'hui nous sommes interpellés de venir puiser sur la parole de Dieu pour que nous puissions suivre la voie tracée par ceux qui nous ont dévancés mettre en application leurs projets et aller au-delà pour les rendre hommage. Et ceci dépendra de bons actes posés par ceux qui les ont succédés. Ceux-ci ne pourront pas y parvenir sans toutefois se conformer à la parole de Dieu. Acceptons donc que Jésus est tout-puissant, que Jésus est vivant et plus puissant que Jonas et Salomon, et nous pourrons guérir et guérir les autres. C'était l'abbé Félix Foupi, curé de la paroisse cathédrale Regina Mundi. Etassian Sibomana, homme politique et militant du parti Prona, regrette que le pays commémore toujours l'assassinat du prince Louis Rwagasore sans toutefois suivre ses traces. Il trouve qu'après 63 ans, le pays est encore loin de ses idéaux de voir un Burundi développé dans tous les aspects. Il appelle les dirigeants actuels à s'inspirer de sa vision. C'est dommage que 63 ans après, on continue à commémorer, que ce soit le jour de la victoire du parti, le jour de son assassinat et même la date de l'indépendance, sans toutefois faire une analyse introspective pour mesurer à sa juste valeur les projets qu'il avait envers le Burundi pour voir si réellement les dirigeants actuels sont en train de suivre les traces du prince. Il a dit bien des choses dans ce monde après la victoire de son parti Prona. Vous ne pouvez pas penser au développement, vous ne pouvez pas penser au système éducatif amélioré, vous ne pouvez pas penser à une justice équitable et saine sans qu'il y ait la paix. Tant que nous sommes toujours en quête d'une paix durable, d'une stabilité durable, nous sommes loin des autres idéaux que prenait le prince. Et l'autre grande préoccupation, c'était que les Burundais doivent sortir de la pauvreté dans laquelle ils se trouvaient de ce temps-là. Et nous nous trouvons toujours dans la pauvreté aujourd'hui, malheureusement. Les dirigeants devraient être préoccupés par le fait de chercher les voies et moyens pour sortir le Burundi de la pauvreté. Dans son discours, il avait émis le souhait de voir le Burundi développé. Il avait banni la pauvreté qui minait le peuple burundais. Et il avait surtout émis le souhait que le gouvernement soit comme un père de famille, où tous les enfants se sentent protégés par son père, où ils jouissent des mêmes droits, des mêmes devoirs, et où l'injustice est une préoccupation des dirigeants. Mais à y regarder de près, à voir la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, je pense qu'on est loin d'être sur les traces du prince Louis Rwagasore. Et le gouverneur de la province Ngozi envisage la création d'une fédération des 519 coopératives que compte cette province et lui doter de moyens nécessaires pour en faire une forte organisation. Ainsi, l'on aura concrétisé la vision du prince Louis Rwagasore qui pensait développer la population burundaise à travers les coopératives d'autodéveloppement. Désiré Minani l'a dit ce lundi lors de la commémoration au niveau provincial du 63e anniversaire de l'assassinat du héros national de l'indépendance du Burundi, Apollinaire Muzagara. Dans son discours, le gouverneur de la province Ngozi a salué le programme du prince Louis Rwagasore de développer le Burundi en mettant les Burundais dans des coopératives et de souligner que la province Ngozi va emboîter le pas du héros de l'indépendance en fédérant 519 coopératives de la province Ngozi en vue de les fortifier. Selon Désiré Minani, cette fédération des coopératives sera dotée de tous les moyens nécessaires en vue d'atteindre l'objectif d'autodéveloppement de la population. Et pour y arriver, des états provinciaux de l'environnement, agriculture et élevage seront organisés avant fin de ce mois d'octobre. Annonce faite ce lundi lors de la célébration en Ngozi du 63e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. six partis politiques, à savoir le CNDD, FDD, l'UPRONA, CNL, FNL, Sawanya Frodebu, Ekodebu, Ilari Ganda Daye, ont pris part à cette cérémonie et ont déposé des gerbes de fleurs au monument des héros situé tout près du bureau communal d'Ongodz, Apone Muzagara, Radio Isangani. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Certains agriculteurs de la commune Matongo de la province Kayanza disent que le fait de cultiver en bloc leur a permis d'augmenter la production. Ils expliquent également que ce système a fait que les communautés sortent de la pauvreté après la récolte dans un même moment. Le gouverneur de cette province, le colonel Rémi Chichahayo, indique que ce système a fait que les organisations internationales qui appuient dans l'agriculture fournissent des semences de qualité aux agriculteurs de cette province. Jean-Marie Mayonga. Ce sont certaines cultivatrices de la colline Gassare, commune Matongo de la province Kayanza, qui expliquent que le fait de cultiver en bloc leur donne une bonne production. Ainsi, les Kugimana et Akeline Nyabenda, rencontrés dans leur champ, disent que ce système est d'une grande importance. L'importance de cultiver en bloc est qu'on cultive dans un même moment et le jour de la récolte, nous le faisons en même temps comme nous l'avons semé le même jour. Le gain qu'on y trouve est une bonne production. Auparavant, on cultivait en désordre. Il y avait celui qui cultivait avant les autres et l'autre après. Celui qui cultivait avant, il ne trouvait rien. Et celui qui a cultivé après, les voleurs récupéraient les récoltes. Mais aujourd'hui, le gain qu'il y a est que nous cultivons et récoltons ensemble dans un même temps. Pas de perte maintenant. Ils invitent d'autres cultivateurs d'appliquer ce système qui donne un meilleur rendement. Et je leur demandais d'utiliser cette pratique qui nous a beaucoup aidés et nous a fait sortir de la pauvreté. Les enfants sont bien nourris. Jusqu'à présent, nous mangeons des maïs récoltés. Après, l'administrateur communal nous a exigé de planter les patates douces. La production qu'on a eue, vraiment, nous avons manqué ou la placer. La quantité était énorme. Les personnes qui n'ont pas encore utilisé ce système, je leur demanderai de s'intéresser à ce système pour éviter d'enregistrer des pertes comme nous l'avons vécu dans les années antérieures. Colonel Rémi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, précise que le système de cultiver en bloc appliqué par les cultivateurs de la province Kayanza a fait que les intervenants dans le domaine de l'agriculture et surtout des ONG internationales à fournir des semences de qualité aux agriculteurs de cette province afin qu'ils aient une bonne production jusqu'à avoir les produits à exporter. Dans la suite de nos reportages, on vous parlera de l'usage des urines comme du fumier pour les cultures dans cette province d'Okayanza. Jean-Marie Mayonga. La rémunération d'un agriculteur journalier en commune à Kayanza varie entre 3 500 et 4000 francs burundais quand il est nourri à midi et de 5000 francs burundais quand il n'est pas nourri. Ces travailleurs trouvent que cette rémunération est dérisoire vu la montée exponentielle des prix des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité sur le marché. Ils demandent que le salaire d'un agriculteur journalier soit revu à la hausse. Patrick Saint-Guillaume. Les agriculteurs et journaliers en commune Kayanza avec lesquels nous nous sommes entretenus, nous les avons rencontrés dans leur champ de maïs en train de faire le sacrage. Ils nous ont indiqué que par jour, l'agriculteur et journalier gagne entre 3500 et 5000 et que cela dépend de la condition qu'il a été nourri ou pas. Certains affirment d'ailleurs que même les employeurs qui donnent de la nourriture aux agriculteurs et journaliers qu'ils engagent dans leur champ leur donnent très peu de nourriture qui ne peut pas leur permettre à tenir toute la journée en train d'exercer des activités agricoles. Ces travailleurs journaliers exerçant les activités agricoles demandent à leurs employeurs l'augmentation du salaire, expliquant que les prix d'autres produits, surtout les denrées alimentaires, ont beaucoup grimpé au marché et qu'ils continuent aussi de grimper du jour au jour. Certains des agriculteurs qui font travailler d'autres agriculteurs journaliers dans leurs champs ne nient pas les informations selon lesquelles ces journaliers sont mal rémunérés. D'autres travailleurs journaliers en commune Kayanza sont surtout les maçons qui touchent 10 000 francs par jour au moment où leur aide perçoivent un billet de 5 000 par jour. Depuis Kayanza, Patrick Elsenyi va pour la radio Isanganiro. Le Burundi devrait mettre à jour le salaire minimum interprofessionnel garanti par jour, qui a été fixé à 180 francs burundais à mairie de Bujumbura et 160 francs en milieu rural. C'était en 1988. Appel du président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu, sur base de la mesure de l'administrateur communal de Nyanzala, qui a déterminé en date du 9 de ce mois les rémunérations pour les journaliers. La Kosibu trouve que cela a été fait illégalement. Célestin Savimana appelle le gouvernement à se pencher sur cette question en concertation avec les syndicats ainsi que les experts pour le bien des travailleurs journaliers. On l'écoute. En 1988, le SMIC actuel date de là. C'était 180 francs à mairie de Bujumbura et 160 dans le reste du pays. Ces 180 reflétaient l'état économique à l'époque. Je risque peut-être de me tromper, mais je ne dois pas trop me tromper. Prenons que le dollar était à 90. Donc les 180 divisé par 90, c'était des dollars. Maintenant, donc il faut essayer d'actualiser. Donc il y a 36, l'économie burundaise a changé. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait au niveau des partenaires sociaux? Il y a une étude qui a été faite pour réviser le SMIG à la hausse. L'étude est là, elle est prête, il ne reste qu'il suit son processus, le processus d'adoption de ce nouveau SMIG qui sera actualisé au vu de la situation économique du pays. Parler de SMIG, il a été déterminé en 1988 par quelle loi? Il a été déterminé par les instances habilitées, notamment, maintenant c'est le Comité National du Travail, anciennement c'était le Conseil National du Travail. Il y a des négociations qui se font entre l'administration, représentée par le ministère, il y a le travail dans ses attributions, il y a les représentants des employeurs, il y a les représentants des travailleurs. Ils négocient, il y a des études qui se font. Et ce SMIG de 1988 a été fixé dans ce sens. Et puis le ministre qui est président du Comité national du travail chemine ce qui a été convenu, notamment au Conseil des ministres, puisque c'est une question très importante. Donc ce SMIG de 1988, il y a une ordonnance ministérielle qui détermine ce SMIG de 1988. Maintenant, il faut réviser ça. Ça fait plusieurs années que nous, au niveau des représentants du travail, nous demandons sa révision. Je pense que le cas de Nyanzarak montre que réellement il y a une nécessité qu'un nouveau SMIG à la hausse soit adopté et promulgué selon le code du travail. Célestin Savimana, il est président de la Confédération des syndicats du Burundi, Kosibu. En actualité internationale, la justice française met fin à ses poursuites contre Calixte Mbarushimana, ancien employé de l'ONU au Rwanda, qui était poursuivi en France pour sa participation au génocide des Tutsis en 1994. Il n'est plus inquiété, faute de preuves. Lors des cérémonies du 30e anniversaire de la tragédie en avril dernier, le président rwandais l'avait accusé de son côté d'avoir livré sa cousine à des tueurs, une femme que Paul Kagame considérait comme sa sœur. Le collectif des partis civils pour le Rwanda annonce faire appel. Également poursuivi devant la Cour pénale internationale en 2010, cette fois pour des crimes commis en 2009 en RDC, alors qu'il était le secrétaire exécutif de FDLR, l'ex-employé de l'ONU n'y avait finalement pas été jugé non plus. Faute de preuves, Calixte Mbarushimana bénéficie du statut de réfugié politique dans l'Hexagone depuis 20 ans. Et en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé le samedi 12 octobre la poursuite de la coopération militaire entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise dans la lutte contre les rebelles ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La décision a été validée après une réunion d'évaluation des opérations dans la capitale congolaise du 10 au 11 octobre 2024 entre les chefs d'état-major des forces armées congolaises et ougandaises. L'annonce de la poursuite de cette coopération militaire intervient alors que l'Ouganda est accusé par la société civile de soutenir les rebelles du M23. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.